Voilà, eh bien écoutez, Madame Villemont, si vous avez la possibilité de m'appeler dans la mesure où vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis je souhaite très fort que votre santé s'améliore. Hein. Voilà, au revoir.